On va commencer par aborder un thème qui n'est pas nouveau. Hein. Le thème de l'infini, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un sujet sur lequel les Grecs ont débattu pendant très longtemps. Le thème de l'infini, c'est un thème à la fois qui fait peur, parce que l'infini, c'est quelque chose qu'on se représente pas. L'infini, c'est pas un nombre. L'infini, c'est un concept. On peut le remarquer dans différents domaines. Les Grecs, donc, je le disais, se sont essayés au concept de l'infini, notamment avec Aristote. Alors, l'infini, on l'a de manière naturelle. Par exemple, si vous prenez la suite des antinaturels, vous faites 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, et ça ne s'arrête jamais. Donc, on ne peut pas nier que l'infini n'existe pas, au moins potentiellement. L'infini, c'est quelque chose qui, naturellement, émerge. Ensuite, après avoir découvert les antinaturels, on découvre ce qu'on appelle les antirelatifs. Alors, si vous êtes largué, vous me dites, hein, vous levez la main, vous dites, monsieur, je ne comprends plus. Bon. Les antirelatifs. Les antirelatifs, ça veut dire quoi? Au lieu de dire 1, je fais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et donc, je peux atteindre l'infini par les nombres négatifs. Ce qui veut dire qu'on peut avoir soit plus l'infini, soit moins l'infini. Mais le problème, c'est que ça, si conceptuellement, je peux imaginer qu'il y ait des choses qui effectivement puissent être infinies, la vraie question, c'est est-ce que dans la nature, je vais rencontrer des objets, je vais rencontrer des éléments qui vont me dire oui, non seulement l'infini existe, mais c'est pas simplement une conception qui est dans ma tête, mais c'est une conception que je vais pouvoir expérimenter, notamment avec des télescopes ou alors avec des accélérateurs de particules. Est-ce que effectivement il y a des concepts que je vais pouvoir mettre donc en exergue. Alors, c'est peut-être la plus grande découverte, le plus grand concept qui ait jamais fécondé l'histoire de l'humanité. La quête de l'infini est un domaine qui a, encore une fois, été omniprésent partout. Et si aujourd'hui les mathématiques sont un sujet aussi abouti, si on peut faire des choses aussi extraordinaires, c'est parce que l'homme donc a découvert le concept de l'infini. Alors, autour de cela, il y a un corollaire aussi, c'est que l'infini est lié à un nombre qui lui est immédiatement symétrique. Et ce nombre, quel est-il? Eh bien, c'est le zéro. Parce que l'opération arithmétique qui consiste à prendre 1 et de diviser par 0, ben 1 divisé par 0, c'est impossible. On ne sait pas faire. Donc, le 0 et l'infini sont des choses tout à fait symétriques. Alors, tout de suite, pourquoi, par exemple, le concept de l'infini, il a mis si longtemps à s'imposer? Pourquoi est-ce qu'on a longtemps débattu de savoir s'il avait une réalité et si véritablement c'était un concept qui était utile? Eh bien, sachez que dans plein de domaines, au niveau des mathématiques, au niveau de la physique, au niveau de la philosophie, au niveau religieux, eh bien, c'est là aussi un concept qui va avoir des conséquences tout à fait extraordinaires. Au niveau mathématique, le concept de l'infini va induire une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que ça va permettre de faire ce qu'on appelle le calcul infinitésimal et le calcul intégral. Qu'est-ce que c'est que le calcul infinitésimal? Je rappelle pour l'histoire que c'est un domaine qui a été développé conjointement par deux des plus grands physiciens de la planète, l'un qui s'appelait Isaac Newton et l'autre qui s'appelait Gottfried Leibniz. Or, qu'est-ce que l'infiniment petit? Eh bien, l'infiniment petit, dans le calcul de ces deux personnages que je viens de vous citer, un nombre infiniment petit, c'est un nombre qui est le plus petit possible imaginal, mais qui n'est pas nul. Le plus petit nombre qui existe, mais qui n'est jamais nul. Donc, vous imaginez n'importe quel nombre plus petit dans votre tête, imaginez qu'il y en a encore un qui est encore plus petit que ça, et ce nombre-là, eh bien, c'est un nombre qui est infiniment petit. Et la somme des infiniment petits redonne, en mathématiques, par le phénomène de l'intégrale, d'ailleurs que je vous ai écrit un petit exemplaire là-haut. Et ça, ça domine les mathématiques de l'ingénieur. Croyez-le ou pas, mais les mathématiques de l'infiniment petit dominent les mathématiques de l'ingénieur. Alors ne croyez pas que sur le plan de la philosophie, ce soit allé de soi. C'est pas vrai. Les gens se sont énormément posé la question, notamment l'évêque de Berkeley. Je disais, mais ces nombres, c'est une supercherie intellectuelle. Comment une somme d'infiniment petit peut-elle donner quelque chose qui soit tangible? Donc philosophiquement, ça n'a pas été accepté. Qu'est-ce qui a fait que le concept d'infiniment petit, le calcul différentiel et le calcul intégral, va s'imposer? Parce que sur le plan mathématique, c'est d'une efficacité redoutable. C'est d'une efficacité absolument redoutable. Dans la physique, bien entendu, le monde de l'infiniment petit, c'est quelque chose qui a été déjà pensé il y a très longtemps. Comment faisaient les Grecs il n'y a pas si longtemps que cela? Eh bien, un Grec qui s'appelait Démocrite a imaginé que par la pensée, on pouvait découper la matière en quantités aussi petites que l'on voulait, et cette quantité infinitésimale à laquelle il aboutit par la pensée, il l'appelait du mot « atome », qui veut dire « qui ne peut plus être coupé ». Mais la question c'est, si je prends un morceau de bois et que j'imagine qu'il est fait d'atomes, si je prends un morceau de fer et que je, par la pensée, je vais jusqu'à la quantité infinitésimale, est-ce que cet atome que je vais trouver, est-ce que c'est le même ? Eh bien si, cet atome c'est exactement le même, c'est-à-dire qu'il existe dans la matière des choses qui sont infinitésimales, qui sont infiniment petites, et grâce auxquelles, eh bien, on reconstruit tout le monde matériel à partir de ces atomes. Maintenant, c'est déjà un bel exercice de style que d'avoir imaginé donc le monde de l'infiniment petit. Mais dans la physique, il y a un grand physicien qui a trouvé une définition qui est tout à fait extraordinaire de l'infiniment petit. Il s'appelait Albert Einstein. Et il a beaucoup étudié la physique. Et à la fin de sa vie, il a découvert qu'il y avait deux choses qui étaient infinies. L'univers et la bêtise. Le problème, c'est que pour l'univers, il n'en avait toujours pas la certitude. Tandis que la bêtise, bien entendu. Ensuite, dans le domaine religieux, eh bien évidemment, le problème de l'infini est un problème crucial, bien entendu. Est-ce que le monde a eu un commencement ou est-ce qu'il existe de toute éternité? Est-ce que le monde va s'étendre dans la cosmologie actuelle exactement à l'infini et dans quoi est-ce qu'il s'étend? C'est aussi une question qui est tout à fait fondamentale. Et savez-vous pourquoi, par exemple, les Grecs et Aristote refusaient le concept de l'infini? Parce que dans l'infini, l'univers ne peut pas avoir de bord et il ne peut pas avoir de centre. Ça n'a pas de sens. Chaque point est lui-même le centre et le bord. Or, comment, dans un endroit où il n'y a pas de centre et il n'y a pas de bord, la Terre peut-elle occuper le centre de l'univers? C'était pas possible. Donc la Terre ne pouvant pas occuper le centre de quelque chose qui n'existe pas, les Grecs ont réfuté le concept donc de l'infini. Alors, il y a deux domaines particuliers sur lesquels je vais focaliser la présentation. Le domaine de la cosmologie, c'est-à-dire le domaine de l'infiniment grand, avec des retours sur le domaine de l'infiniment petit, puisque le domaine de l'atome, ce sont les deux grands domaines dans lesquels la physique, évidemment, a fait des progrès absolument considérables. Et je vais vous montrer une petite animation pour vous expliquer la chose suivante. Ça s'appelle, voilà, là, vous voyez, c'est la simulation du système solaire avec la trajectoire de Mercure. Vous voyez déjà Mars qui est en train de partir dans le haut de l'écran. Qu'est-ce que vous remarquez là? Ben, vous remarquez qu'il n'y a pas toutes les planètes. Parce qu'à l'échelle de l'écran et à l'échelle du système solaire, si je veux matérialiser une petite partie du système solaire, Si je veux donc matérialiser une petite partie du système solaire, je ne peux pas, dans la mesure où les planètes sont trop éloignées. Alors qu'est-ce que je suis obligé de faire ? Je suis obligé de zoomer. Donc, de faire. Et là, qu'est-ce que vous voyez apparaître ? Les autres planètes du système solaire. Donc, Jupiter et Saturne. Donc, vous voyez comment j'ai dû réduire considérablement l'échelle du système solaire. Alors maintenant, vous me direz, mais Uranus, Neptune et Pluton, elles ne figurent pas là non plus. Ben, je ne pourrais même pas zoomer pour vous les montrer. Elles sont tellement loin que ce n'est pas possible. Donc, ou alors, il me faudrait un écran qui soit 10 fois plus grand que celui-là. Ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure que l'humanité a fait un certain nombre de découvertes, eh bien, d'abord, on a découvert évidemment que, ça c'est une des grandes conquêtes, que le système dans lequel nous vivions est un système qui est un système héliocentrique, à savoir que c'est le Soleil qui occupe le centre du système solaire autour duquel tournent les planètes. Et donc, encore une fois, lorsqu'on a découvert la planète Uranus, on a multiplié par 2 les distances dans le système solaire. Tout d'un coup, Uranus multiplié par 2 les distances, donc, dans le système solaire. Et la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été découverte plus tôt, la planète ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre un astronome comme William Herschel ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre les grands instruments d'observation pour, précisément, arriver à comprendre tout ça ? Eh bien, je vais vous montrer, donc, une autre photo. Ici. Et je vous dis, voilà, cette image-là, on va convenir d'un rendez-vous. Pendant 3 000 à 4 000 ans, tous les soirs, on va se donner rendez-vous. Et on va projeter la même photo. Chaque jour, je vais prendre une photo du ciel. Et vous me direz, le soir numéro 2, ben, monsieur, ça n'a pas bougé, non. Puis le troisième soir, le quatrième soir, le cinquième soir, 1 000 ans plus tard, on revient, ça n'a pas bougé. 2 000 ans plus tard, ça n'a toujours pas bougé. Les étoiles forment toujours cette même figure qu'on appelle la constellation d'Orion. Et puis dans 4 000 ans, 5 000 ans. Si on avait le pouvoir de vivre pendant 100 000 ans, alors là, on commence à voir quelques petites déformations. Première réflexion, vous me direz, ben, donc les étoiles sont fixes. On est d'accord ou pas ? Donc forcément, les étoiles sont fixes. D'ailleurs, comment les anciens ont dénommé la sphère étoilée ? Comment est-ce qu'ils l'ont appelée ? La sphère des fixes, tout simplement. Parce que ça ne bouge pas. Et puis, parmi ces objets, il y en avait quelques-uns qui bougent. Et comment est-ce qu'ils les ont appelés ? Ben, ils les ont appelés les planètes. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot planète ? Qui bouge, tout simplement. Le mot planète, étymologiquement, veut dire astre qui bouge, astre qui vaticine, donc, dans le système solaire. Tout simplement. Donc, d'un côté, vous avez l'immense, écrasante majorité de ces points lumineux qu'on appelle des étoiles, qui semblent ne pas bouger, et qui, au cours du temps, effectivement, gardent la même structure géométrique et la même forme au cours de milliers et de milliers d'années. D'où la question essentielle, pourquoi est-ce que ces étoiles semblent ne pas bouger ? Parce qu'en fait, elles bougent. Qu'est-ce qui peut donc faire et comprendre qu'un objet qu'on observe tous les jours semble ne pas bouger ? C'est quoi la vraie raison ? Eh bien, la véritable raison, c'est quoi ? Dites-le, allez-y, n'ayez pas peur. Non ! On est d'accord que tout tourne. On est d'accord que ces objets, ils se déplacent indépendamment du mouvement de rotation de la Terre. D'accord ? Indépendamment de tout ça. Mais encore une fois, l'image que je vous prenais tout à l'heure, à savoir si on se donne rendez-vous chaque soir pendant 4000 ans, on ne verrait aucune différence. C'est parce qu'on n'avait pas compris que ces étoiles sont à des distances considérables. mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Alors, il y a aussi un aspect que je voudrais vous matérialiser, et je vais vous montrer autre chose dans la simulation. Excusez-moi deux secondes, je vais vous rechercher la simulation. Voilà. C'est pas grave, il va lancer le logiciel. Tant que le logiciel se charge, je vais vous montrer quelque chose qui est le mouvement des planètes vues de la Terre. D'accord ? Donc vous allez voir, c'est un mouvement qui est extrêmement particulier, mais c'est pour vous illustrer un concept qui est tout à fait essentiel dans notre discussion, à savoir le concept de la connaissance. Donc j'ai mis, vous allez voir, une trace sur une planète qui s'appelle Mercure, et regardez ce que fait Mercure. Alors, les planètes se déplacent ici autour du Soleil, logique, hein, elle vaticine dans le zodiaque. Mais regardez aussi l'autre planète qui est Vénus, qui est là. Regardez ce qu'elle fait, Vénus. Elle va s'approcher du Soleil, elle aussi. Elle va continuer, elle va le dépasser. Elle va avoir sa plus grande élongation. Et ensuite, vous voyez, elle aussi, elle repart en arrière, vous l'avez vu ? Donc ça, c'est un phénomène qui est parfaitement connu. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation des planètes. Mais maintenant, vous imaginez la première simulation où les planètes tournaient autour du système solaire. Comment, alors que toutes les planètes tournent autour du Soleil, pardon, comment est-il possible qu'on observe ce mouvement très particulier ? Ça, aujourd'hui, vous pouvez le montrer à n'importe qui. Vous pouvez le remontrer aux Grecs. Mais qu'est-ce qui va changer entre nous et les Grecs ? C'est que le modèle explicatif pour expliquer ces mouvements de rétrogradation des planètes, c'est que les Grecs, ils vont vous dire, moi, je place la Terre au centre de l'univers, je prends toutes les planètes, je leur fais parcourir des grands cercles, et autour de ce grand cercle, je leur fais parcourir un autre petit cercle qui va s'appeler l'épicycle. Et quand je combine les deux cercles, j'obtiens ce mouvement de rétrogradation. Ce qui veut dire que les Grecs ont réussi à trouver, il y a près de 2000 ans, un schéma géométrique explicatif permettant d'expliquer le mouvement des planètes dans le zodiaque. Et combien de temps ce système va perdurer ? Eh bien, il va perdurer pendant pratiquement 1200 ans. Pendant 1200 ans, le système géométrique des Grecs va permettre d'expliquer donc le mouvement des planètes. Et puis ensuite, arrive Isaac Newton, et dans le schéma d'Isaac Newton, dans le schéma explicatif d'Isaac Newton, bien sûr, ce n'est pas du tout que les planètes tournent autour de la Terre, mais elles tournent bien autour du Soleil. Donc on a Isaac Newton va démontrer la loi de la gravitation universelle. Il est vrai que Copernic va dire que le système est héliocentrique, mais dans l'histoire, on se trompe parce qu'il y a eu un grec avant lui qui l'a fait, qui s'appelait Aristarque de Samos. Et en fait, Copernic a conservé un système hybride entre héliocentrisme et cercle, puisque lui-même, il a conservé donc les cercles. Donc, j'hésite vraiment à citer Copernic comme un véritable précurseur. Je préfère citer carrément Isaac Newton par rapport à ça, parce que là le progrès, il est vraiment considérable. Alors, maintenant, Isaac Newton dit, que effectivement les planètes tournent autour du Soleil avec une force qui les attire. Et donc si les planètes ne tombent pas, c'est que les planètes sont obligées de tourner à une certaine vitesse pour pouvoir s'échapper de la gravitation exercée par le Soleil. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre un objet qui tombe, que je lâche et qui tombe, et une planète qui tourne? Parce que là aussi, les anciens avaient fait la distinction très nette entre le mouvement d'un objet qui tombe et les planètes qui tournent, donc autour de la Terre à l'époque. Eh bien, Isaac Newton va faire... Je vais avancer pour vous. Isaac Newton va faire une découverte tout à fait remarquable. En 1686, à peu près, dans ces eaux-là, il y a eu la grande peste de Londres. Il est retourné dans la province natale de Walton, dans le Lincolnshire, pour échapper à la peste de Londres. Et Newton, qui était un travailleur absolument extraordinaire, bien, va mettre au point la théorie donc de la gravitation universelle. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle la gravitation universelle? Pourquoi? Pourquoi ce titre d'universalité? Exact, elle s'applique partout. Mais elle pourrait ne s'appliquer qu'au système solaire. Parce qu'un objet qui tombe, est-ce qu'il obéit lui aussi à la gravitation universelle? Est-ce que c'est du même ordre de nature? Est-ce que c'est du même ordre de grandeur? Est-ce que fondamentalement, c'est la seule et même loi? Eh bien oui, vous avez raison, c'est exact. Alors comment est-ce qu'il a fait pour démontrer cela? Et c'est, je n'oublie pas que le concept dont nous parlons, c'est l'infini. Si vous prenez un objet, un caillou, que vous le lancez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrire une certaine trajectoire et il va tomber quelques mètres plus loin. Plus vous le lancerez fort, qu'est-ce qui va se passer? Plus la trajectoire, bien sûr, va s'allonger. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné si la force est justement suffisante? Eh bien, qu'est-ce qui va faire le caillou? Il va tourner. Donc, en fait, ce qu'on prend pour un mouvement uniforme autour d'un objet, qu'est-ce que c'est? C'est en réalité un objet qui n'arrête pas de tomber. Donc, il tombe à l'infini. Un objet qui tourne est en fin de compte un objet qui tombe à l'infini. Et ça change complètement tout. Parce qu'à ce moment-là, la pomme qui tombe, le caillou qui tombe, la lune qui tourne autour de la Terre, les planètes qui tournent autour du Soleil, jusque le système solaire qui tourne lui-même dans la galaxie, cette loi, elle est applicable. Elle devient donc universelle. Mais non seulement elle devient universelle dans le cosmos, mais elle unit en même temps les lois terrestres et les lois célestes. Donc il n'y a pas deux lois. Or à l'époque où on pensait que le monde du ciel c'était le monde du divin et qu'il y avait le monde terrestre, finalement on a réconcilié le monde terrestre avec le monde céleste. Et c'est pour ça que ici, quand on voyait les circulations célestes, on assimilait les astres à des dieux sidéraux. C'est pour ça que les planètes portent des noms comme Mercure, comme Vénus, comme Mars, et ainsi de suite. Puisque le mouvement se répète identiquement à lui-même, eh ben le monde n'a pas de commencement ni fin, forcément. Tout finit par repasser par les mêmes états. Et en fait, puisque ces mouvements se répètent eux-mêmes, il n'y a pas de commencement, et donc le monde sera éternel. Donc l'idée de l'éternité du temps, l'idée du non-commencement éventuellement et de l'éternel retour de toute chose, ça a été déduit par rapport à l'observation de l'astronomie. Et après, est-ce qu'on se dit, est-ce que le monde il est contingent à la création ou pas? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est une des grandes questions auxquelles il va falloir évidemment répondre par rapport à nos théories donc actuelles. Maintenant, dernier petit point par rapport à ça, c'est que tout ce qu'on observe, ça n'a aucun sens a priori. Ça n'a pas de sens a priori. La véritable personnalité, celle qui confère un sens aux découvertes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre caboche. Tant nous valons dans notre tête, tant valent les explications que nous donnons à l'univers. Les Grecs pensaient que le monde et les planètes devaient se circonvolir à des mouvements dus à des combinaisons de cercles, alors que nous, nous disons non. D'après Isaac Newton, il y a une force qui attire, donc il y a une force qui doit repousser, et c'est là l'harmonie entre ces deux forces qui crée le mouvement. Donc là où les Grecs pensaient en termes de géométrie, le monde moderne a pensé en termes de force. Et ensuite, un autre amendement va être fait avec la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, en disant que cette fois-ci, il n'y a plus de force, mais qu'il y a une trame qu'on appelle l'espace-temps, qui, où chaque corps crée autour de lui-même son propre espace-temps, et qu'en fait, c'est la géométrie qui est créée autour d'un objet qui oblige les astres à suivre la courbure créée par un objet extrêmement massif. Le Soleil, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 99% de tout le système solaire. L'ensemble de toutes les planètes, les grosses planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, toutes ces planètes-là ne pèsent rien face à la masse énorme du Soleil. Donc imaginez comme une immense toile dans laquelle on pose le Soleil. Eh bien, si les planètes décrivent des orbites elliptiques autour du Soleil, c'est parce que précisément il y a cette géométrie, parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Sur un toboggan, vous glissez. Sur la trame de l'espace-temps, les planètes sont obligées de suivre la courbure de l'espace-temps qui a donc été imposée par la théorie de la relativité générale. Donc, la gravitation universelle, la Lune avec les phases. Alors, ensuite, à partir des méthodes de calcul qu'a développé donc Isaac Newton, le calcul infinitésimal, donc le calcul différentiel et son symétrique et son corollaire, le calcul donc intégral, eh bien, on va faire d'autres découvertes. Alors, je vais vous montrer là aussi une découverte qui a fait couler beaucoup d'encre. Voici ceci. Lorsqu'on a découvert qu'il y avait des lunes autour de Jupiter, ça a été évidemment une révolution dans la pensée. La Terre n'était plus le seul corps attractif dans l'univers. Il y avait d'autres corps dans le système solaire qui pouvaient prétendre à être des corps attractifs, comme donc la Terre. Et ensuite, vous allez voir que lorsque un satellite il s'éloigne et qu'il passe derrière, vous allez voir la chose suivante. C'est que ici, il est occulté bien sûr par la masse de la planète et il va émerger ensuite au bout d'un certain temps. Voilà, là il émerge. Entre le moment où il entre et le moment où il émerge et le moment où il est vu, quel temps s'est-il écoulé? Sachez la chose suivante. Sachez que, comme la Terre décrit une orbite, allez, on va pas chipoter, on va dire que c'est un cercle, d'accord? La Terre, donc, décrit un cercle autour du Soleil. Quelle est la distance Terre-Soleil? Est-ce que vous la connaissez? 150 millions de kilomètres. Donc, entre le moment où la Terre est au plus proche de Jupiter, pardon. Et le moment où elle est le plus éloignée, il y a un delta de 300 millions de kilomètres. Or, lorsque la Terre est au plus près, la lumière, quand elle parvient jusqu'à la Terre, et lorsque la Terre est au plus loin, quel est le temps mis par le satellite pour que la lumière lui parvienne? Eh bien, l'écart, il est très important. L'écart, il est de plus de 16 minutes. C'est-à-dire que lorsque la Terre est au plus loin de Jupiter, lorsque l'on voit réapparaître le satellite, comme par exemple Io Europe, le temps où Le satellite va être perçu par les télescopes. Il va différer de plus de 16 minutes par rapport au moment où la Terre est au plus proche. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est ça? Parce qu'entre-temps, la lumière, faut bien qu'elle franchisse ces 300 millions de kilomètres. Eh bien, grâce à ça, on a calculé pour la première fois la vitesse de la lumière. À l'Observatoire de Paris, un Danois qui s'appelait Olaus Römer a calculé pour la première fois la vitesse de la lumière. Rappelez-vous tout à l'heure ce que nous disions sur les étoiles et la sphère des fixes. Puisque maintenant nous savons quelle est la vitesse de la lumière et qu'elle est grosso modo de 300 000 km par seconde, eh bien nous savons maintenant que la première étoile, nous la voyons telle qu'elle était il y a 4 ans. Puis 8 ans, voire 50 ans, voire 100 ans, voire 1 million, voire 2 millions, jusqu'à 13,8 milliards d'années. C'est un fait expérimental absolument indubitable. Vous pouvez maintenant, si vous posez la question, qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, nous voyons effectivement que des tranches de passé. Comment est-ce que nous pouvons reconstituer effectivement tout ça? C'est parce que grâce à la pensée, nous avons la possibilité, encore une fois, et grâce aux théories, de pouvoir le faire. Alors non seulement on a réussi à faire ça, mais je vais rapidement avancer parce que je reviendrai, vous inquiétez pas. C'est que non, après, lorsqu'on a dit, ok, il y a des planètes dans le système solaire. Ok, avec Uranus, je passe à deux fois les distances dans le système solaire. Et puis ensuite, plus tard, vers 1930, on va découvrir une dernière planète, Pluton, à plus de 10 milliards de kilomètres du Soleil. Mais une fois qu'on a regardé à travers la Voie lactée, c'est le Soleil lui-même, mais il devient un Soleil parmi 200 milliards. Il y a 200 milliards de soleils dans une structure qu'on appelle la Voie lactée. Vous vous rendez compte? Et quelqu'un qui disait, Anatole France disait, c'est pas tant qu'il y ait autant d'étoiles dans le ciel qui est fascinant, c'est qu'on ait réussi à les compter. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a des moyens de compter combien il y a d'étoiles dans une structure comme celle-là. Alors vous imaginez, toutes ces étoiles, tous les systèmes solaires potentiels, toutes les formes éventuelles de vie qui pourraient apparaître dans des structures comme ça. Et cette structure-là, combien y en a-t-il ? Ben, y en a là aussi des milliards. L'un des grands, grands, grands progrès qu'a fait aujourd'hui l'astrologie, c'est qu'effectivement, il y a des milliards et des milliards de galaxies comme celle-ci. Alors, on dit aussi que la vitesse de la lumière, c'est une vitesse qui est finie. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la dépasser aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a une impossibilité à dépasser la vitesse de la lumière? Est-ce que parce que c'est quelqu'un qui a décrété ça, un physicien qui a dit bah, « c'est comme ça, c'est un dogme » Non. Parce que le problème, c'est que toujours avec Albert, la masse est fonction de la vitesse. La masse, elle est fonction de la vitesse. Donc plus je communique une vitesse importante un objet qui possède une certaine masse, et plus sa masse intrinsèque, elle va augmenter. Et plus je me rapproche de la vitesse de la lumière, plus le facteur qui divise la masse, il tend vers zéro. Et 1 sur 0, rappelez-vous, ça fait l'infini. Donc à un moment donné, il faudrait une énergie infinie pour atteindre une vitesse comme la vitesse de lumière. Donc ce n'est pas possible. C'est pas qu'on veuille pas, c'est une loi physique. Sauf à être encore plus tronchu qu'Albert Einstein et à me démontrer qu'il a tort et que la loi sur laquelle il a bâti toute sa théorie de la relativité, c'est une loi qui, dans certains cas, peut-être, semble ne pas marcher, comme d'ailleurs la théorie de la relativité a montré que, dans certains cas, eh ben, Isaac Newton n'est d'aucune utilité. Lorsqu'il s'agit d'étudier des champs gravitationnels extrêmement intenses, lorsqu'il s'agit d'étudier, par exemple, des trous noirs, lorsqu'il s'agit d'étudier des pulsars, des étoiles à neutrons, eh bien, Newton n'est d'aucune utilité. Donc, il faut changer de niveau, il faut changer de structure, il faut changer ce qu'on appelle de paradigme et passer à une autre théorie. Or, la théorie de la relativité répond très bien à ce genre de questions. Maintenant, pour comprendre la structure de ces étoiles, la question c'est, est-ce que notre Soleil et la Terre existent depuis un temps infini ou pas ? À votre avis, est-ce que vous savez quel âge a notre Terre ? D'un point de vue scientifique, je parle. 4 milliards et demi d'années. Donc forcément, le Soleil, il a aussi 4 milliards et demi d'années. Alors expliquez-moi une chose, pourquoi est-ce que le Soleil ne se refroidit pas ? Quand vous prenez un corps chaud et que vous le mettez quelque part, je suis désolé, hein, il refroidit. Pourquoi est-ce que le Soleil ne se refroidit pas ? Et pourquoi et comment est-ce qu'il se régénère par lui-même ? C'est quoi le système par lequel il se régénère ? Non. Non. Pas tout à fait. Très peu. Par fusion. Exact. Et qu'est-ce qui permet la fusion ? C'est quoi qui permet la fusion ? Non. La température, c'est le mécanisme. Mais c'est bien essayé, bravo. C'est parce que à l'intérieur du Soleil, il y a des particules atomiques qu'on appelle des protons et qui sont le constituant le plus simple du corps, le plus simple qui s'appelle l'hydrogène. Mais c'est bien quand même, l'hydrogène. Or, quand quatre atomes d'hydrogène s'unissent, ils forment ce qu'on appelle un atome d'hélium. Quatre protons pour deux protons de neutrons. Maintenant, si vous vous souvenez de vos cours de physique, vous savez que les protons, ils sont chargés positivement. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ben, ils se repoussent. Ils se repoussent. Comment est-ce que les protons sont capables alors de fusionner, puisque normalement ils devraient se repousser? C'est là qu'intervient le phénomène de la chaleur. Parce que le Soleil, c'est un gaz qui est chaud. Et pourquoi est-ce qu'il est chaud, le Soleil? Parce qu'il est comprimé. Et pourquoi est-ce qu'il est comprimé? Parce que la gravitation le comprime. Donc c'est un volume de gaz qui a de moins en moins de place pour bouger. Ayant de moins en moins de place pour bouger, les protons, ils s'agitent de plus en plus. Et à un moment donné, ils sont projetés les uns contre les autres avec une telle force que qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben, ils vont fusionner. Deux protons, deux neutrons. À quel taux ? 700 millions de tonnes d'hydrogène en 695 millions de tonnes d'hélium chaque seconde. Pas toutes les heures, pas toutes les fins de mois, pas la fin de la semaine, toutes les secondes. Et comment est-ce qu'il est possible que le Soleil perdure depuis si longtemps, grâce à la fameuse relation d'Einstein, E égale mc2, où l'énergie qui a permis d'accoler les trucs, elle repart dans l'espace et elle nous permet de vivre. Alors il y a toujours une question que je me plais à poser. Vous allez voir, d'un point de vue physique, pourquoi est-ce qu'il y a de la vie sur la Terre ? D'un point de vue purement physique. Hein. Pourquoi est-ce que la vie, elle est possible sur la Terre ? C'est très compliqué. Allez-y, cherchez. C'est très compliqué. Vous allez voir, quand vous aurez l'explication, ça va être terrible, une révélation. Et bien parce que le Soleil est chaud et que la Terre est froide. C'est uniquement pour ça. Parce que le Soleil est chaud et parce que la Terre est froide. Comme il y a une différence de chaleur, la Terre peut croître. D'un point de vue thermodynamique, ça n'est que ça. Donc vous voyez que déjà, une chose qui est frappante, c'est que c'est le monde de l'atome, c'est-à-dire le monde de l'infiniment petit, qui permet d'expliquer le monde infiniment grand, qui est le monde des étoiles. Donc les étoiles, à partir du moment où on a eu la relation d'Einstein, à partir du moment où cette physique est apparue, je rappelle d'ailleurs que Einstein n'est pas l'inventeur de la théorie de l'espace-temps, c'est un mathématicien de Göttingen qui a inventé cette, qui a mis au goût du jour cette théorie. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'à un moment donné, par rapport à des étiquettes, par rapport à des présupposés, par rapport à des tas de choses comme ça, vous savez qu'il y a eu une époque absolument terrible où la théorie de la relativité et la théorie quantique ont été qualifiées de théories juives. Je ne sais pas si... C'était des théories juives, parce que la plupart des grands physiciens de la planète étaient juifs. Et notamment, il y a un grand centre mathématique qui existait, c'était l'université de Göttingen en Allemagne. Et quand les lois Marshall de Nuremberg sont arrivées en 1933, tous les juifs qui occupaient des postes éminents parce qu'ils les méritaient, ben ils sont partis. Quand ils ont pu partir. Alors quelques années plus tard, il y a le ministre russe de l'éducation qui va à Göttingen et qui est invité donc à un repas. Et il parle avec le doyen de l'université qui s'appelle David Hilbert, d'ailleurs dont j'ai mis là une citation en exergue au tout début, et lui dit « Est-il vrai, monsieur le professeur, que votre université ait eu tant à souffrir du départ des Juifs ?» Il dit « Mais monsieur le ministre, mon institut, il n'a pas souffert, il n'existe plus. » Et lorsque vous vouliez étudier les mathématiques à l'époque, ben vous alliez à Göttingen, c'est là que Bernard Riemann était là, c'est là que Friedrich Gauss a enseigné, c'est là que les plus grands mathématiciens étaient. Si vous vouliez aller et avoir un enseignement dans le domaine de la physique, il fallait aller à Berlin. Et à Berlin, il y a un monsieur qui a dit qu'il y a deux sortes de physiciens à Berlin. Il y a Einstein et les autres. Pour vous dire à quel point il était absolument extraordinaire. Et ce dont je vous ai parlé, c'est à partir de la découverte des étoiles, à partir de la découverte des galaxies, eh bien, les progrès faits dans l'expérimentation et dans l'instrumentation ont été absolument considérables, puisque les astronomes et les astrophysiciens ont construit des instruments qui ont permis de sonder donc l'infiniment grand et l'infiniment petit, et à l'aide de la théorie de la relativité, on va commencer à comprendre, quand on va voir ces grandes structures, et bien que ces grandes structures, elles sont nées il y a des temps immémoriaux. Dans le nuage de Magellan que vous voyez, il y a eu, en 1987, une supernova qui a explosé, c'est-à-dire une étoile qui est arrivée en fin de vie, qui a explosé. Elle est apparue comme visible. Sachez que quand on l'a vue en 1987, l'explosion avait déjà eu lieu il y a 150 000 ans. Donc vous voyez que la perspective des espaces infinis, et dans la présentation, ces espaces infinis qui m'effraient, c'est vrai que ça a quelque chose d'absolument effrayant. Là, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de matière et ainsi de suite, mais sachez que c'est pas vrai. C'est encore extrêmement trompeur. L'univers, ça n'est que du vide. L'univers, ça n'est que du vide. La matière est une sorte d'épiphénomène. Dans le domaine de l'infiniment petit, là aussi, la matière, ça n'est que du vide. Donc, on est bercé par quelque chose. Et il est vrai que quand on fait dans le domaine de l'infiniment petit, quand on entre dans ce domaine absolument incroyable, eh bien, notre logique habituelle, elle est complètement battue en brèche. Et maintenant, si je vous dis, alors, tout à l'heure, vous savez, j'ai dénombré les antinaturels, j'ai dit qu'il y avait l'infini, l'infini potentiel, les entiers relatifs. Prenez, par exemple, tous les nombres de 1 à 10. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Si je prends les nombres qui sont pairs, je les enlève, vous me dites, effectivement, alors, selon toute logique, il y a moins de nombres pairs qu'il y a d'entiers naturels. Puisqu'il y en aura 5, il y a 2, 4, 6, 8, 10. Bon, très bien. Donc la logique que nous avons toujours, c'est que la partie est toujours inférieure au tout. D'accord ? Maintenant, si je vous dis... Est-ce qu'il y a des infinis qui sont plus grands que d'autres ? Eh bien si. Eh bien si. Ça peut vous paraître absolument incroyable. Est-ce qu'une courbe qui a une infinité de points peut être de dimension nulle ? Eh bien oui, c'est possible. Pourquoi ? Parce que dans le paradoxe de l'infini, dans l'infini, on ne raisonne plus du tout de la même façon. Et celui qui a introduit les mathématiques, c'est-à-dire les concepts à partir desquels tout cela a un sens, eh bien, il s'appelle Georges Cantor. Et il a nommé d'ailleurs, vous savez de quelle lettre il a nommé les infinis ? Par la lettre Aleph, qui représente le Ein Sof dans le hébreu. Et avec le Aleph, il a défini un infiniment petit d'ordre 0, le Aleph 0, puis le Aleph 1, et ainsi de suite. Et tous ces infinis sont plus grands que d'autres. Il y a donc une hiérarchie dans les infinis. Ça peut vous paraître... Vous dites, mais l'infini, c'est l'infini. Comment est-ce que l'infini peut être plus grand que l'infini ? Eh bien, oui, c'est sûr, en mathématiques, ça existe, absolument. Bien sûr, ça existe. Maintenant, vous vous rappelez les nombres entiers. Maintenant, imaginez qu'il y a une infinité de nombres entiers. Que je prends à ce moment-là tous les paires. Vous vous dites, je vous repose la question. Maintenant, lorsqu'il y a une infinité de nombres, est-ce qu'il y a moins de nombres pairs que de nombres entiers ? Eh bien, il n'y en a pas moins. Parce que je peux toujours mettre le 1 en rapport avec le 2, le 2 en rapport avec le 4, le 4 en rapport avec le 8, et ainsi de suite. Donc, il faut savoir comment, parce que dans l'infini, comment est-ce qu'on compare deux ensembles? Est-ce que je peux mettre en relation un élément avec un autre? Il y a un très joli mot, ça s'appelle une relation biunivoque. C'est joli, hein? Oh, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, je sais plus qui c'est qui dit ça. Les relations biunivoques. Donc, dans l'infini, ne pensez pas, n'ayez pas. L'intuition, parfois, est battue en brèche par les concepts. Alors, à partir de là, eh bien, lorsque les physiciens, les cosmologistes, les astrophysiciens ont rencontré ces grandes structures, ils se sont aperçus de quoi ? Que plus un instrument est perfectionné, et plus on voit de choses. Plus il est puissant, plus les cieux s'éclatent. C'est la multiplicité, effectivement, de ça. Alors, quand on a découvert la galaxie d'Andromède, eh ben, on a réussi à la situer à 2 millions d'années-lumière. Lorsqu'on va découvrir d'autres galaxies, à 10, à 5, 10, 20, 30, puis des milliards d'années-lumière. Ça, c'est un fait d'expérience. Maintenant, un objet, s'il s'éloigne ou s'il se rapproche, on sait le dire. Une source lumineuse qui s'éloigne, on a tendance à la voir plus rouge. Une source lumineuse qui se rapproche, on a tendance à la voir dans le bleu. Donc un objet qui s'éloigne et qui va vers le rouge, c'est donc qu'il est en train de s'éloigner de vous. Et il s'éloigne de nous à quelle vitesse ? Eh bien, il peut s'éloigner de nous jusqu'à 100 000 km par seconde. Il peut s'éloigner de nous de 200 000 km par seconde. Et il peut même aller au-delà de la vitesse de la lumière. Mais vous me direz, mais tout à l'heure, c'est pas possible. Ah, très bien. C'est pas possible. C'est là qu'il y a une petite subtilité. C'est qu'en fait, ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent. C'est un mouvement d'ensemble. Dans la théorie de la relativité, c'est l'espace-temps qui s'agrandit. Et comme l'espace-temps, il est immatériel, il n'est pas en but au calcul de la théorie de la relativité. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence tout à fait intéressante? Ben, vous avez des objets qui disparaissent de votre vue. Il y a ce qu'on appelle un horizon cosmologique. En mer, il y a un horizon qui est limité par quoi ? Par la courbure de la Terre. Cet horizon, il est virtuel. Il n'a pas d'existence. Plus vous allez avancer avec votre bateau, plus votre horizon il va reculer de la même façon. Dans l'univers, c'est pareil. Il y a un horizon qui est virtuel de l'autre côté, mais au-delà duquel on ne peut plus voir. Et on a aussi des images absolument étonnantes, c'est que dans la théorie de la relativité, les galaxies elles-mêmes peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle des loupes et des lentilles gravitationnelles, donc on peut voir encore beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait voir par rapport à ça. Et on voit même des images quintuplées du même objet. Maintenant la question c'est, pourquoi est-ce que l'univers il s'étend ? Et comment est-ce qu'il s'étend? Est-ce qu'il s'étend dans quelque chose? Est-ce qu'il y a un infini dans lequel l'univers matériel est contenu et dans lequel l'univers s'étend? Ou est-ce que l'univers, il contient sa propre structure spatio-temporelle dans laquelle il s'étend? Là encore, c'est une question qui est difficile sur le plan mental à s'imaginer. Eh bien, l'univers, qu'on l'imagine ou qu'on ne l'imagine pas, il est à la fois contenant et contenu. Il est les deux à la fois. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, ben on n'a pas idée de ce que représente l'espace-temps. Et aussi une idée qui nous apparaît comme totalement contre-intuitive, est-ce que le temps peut agir sur l'espace et est-ce que l'espace peut agir sur le temps ? Eh bien oui. Eh bien oui. C'est une seule et même entité. L'espace et le temps forment un tout indissociable. Ce qui veut dire que si le temps n'existe pas, la matière n'existe pas. Et si la matière n'existe pas, le temps ne peut pas exister. D'où la question, est-ce que l'univers a toujours existé ? Est-ce que l'univers a eu un commencement ? Et pourquoi ? Et comment ? Et est-ce qu'on peut trouver des traces, dans l'infiniment petit, des traces de l'univers originel ? Il n'y a pas très longtemps, on a mis en évidence la vibration originelle de la création de l'univers. L'onde gravitationnelle primordiale, à partir de laquelle l'univers serait né. La question, c'est, aujourd'hui, oui, on sait que l'univers est en expansion. On sait que l'univers va se diluer. Est-ce que l'univers, un jour, va se recontracter pour revenir à l'état initial ? Non. L'univers ne va pas se recontracter. L'univers va continuer de s'étendre. Il va donc mourir de manière thermique. Donc, le monde des étoiles va s'étioler au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Sauf si ce que je vous raconte est remis en cause, bien sûr, par quelqu'un qui va dire complètement différemment. Mais ce qui sera extrêmement intéressant, c'est que vous constaterez une chose, c'est que la personne, elle vous montrera les mêmes choses et elle vous les interprétera différemment. En disant, vous voyez, il y avait un petit gars là qui croyait tout savoir le 10 juin 2014, il vous a dit ça, ben vous mettez à la poubelle tout ce qu'il vous a dit, moi je vais vous réinterpréter tout le reste d'une autre façon. S'il y avait eu des Grecs, ils vous auraient dit, voilà, mais qu'est-ce qu'ils vous ont raconté comme bêtises. Donc vous voyez comment, grâce à l'évolution de l'univers, on a pu avoir des solutions qui sont apportées. Et tout ça, encore une fois, ça n'est rendu possible parce que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une théorie. Sans la théorie, tout ça, ça n'a aucun sens. De la même façon, pendant très longtemps, on s'est demandé, mais qu'est-ce que l'on voit dans l'univers quand on voit des choses ? Et le plus criant, c'est quand, par exemple, on est dans les accélérateurs de particules. Dans les accélérateurs de particules, quand on regarde des structures, on voit des images, on voit des objets, on voit des plaques photographiques, et on se dit, qu'est-ce qu'on est en train de voir ? Parce que dans le monde de l'infiniment petit, c'est le monde de l'infinitésimal. Donc, on voit des choses où les phénomènes se déroulent de l'ordre de la milliardième, de la milliardième, de la milliardième de seconde. Donc, c'est très petit. Évidemment, l'œil ne peut pas percevoir des temps, c'est comme ça. Donc, il faut construire des appareils de photographie qui puissent prendre dans des temps encore plus petit que ça, donc vous imaginez ça. Donc sa photographie, et derrière tout ça, il faut interpréter. Et quand on interprète, eh bien effectivement, on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Et c'est comme ça qu'on aborde des théories avec des structures à l'intérieur donc des atomes, à l'intérieur des particules, comme le proton, le neutron, puis à l'intérieur d'une autre particule qu'on appelle les quarks, puis maintenant encore plus petit qu'on appelle les cordes, qui sont encore dans des domaines infinitésimaux encore plus petits. Et à partir de là, pourquoi est-ce que ça s'arrêterait ? Est-ce que le monde de l'infiniment petit s'arrête à ce niveau-là ? Est-ce que l'espace, on peut le découper à l'infini, ou est-ce qu'il existe un quantum d'espace, comme il existe aujourd'hui un quantum de matière ? C'est-à-dire une quantité infinitésimale, mais qu'on ne peut plus découper. Vous voyez que ça nous conduit quand même à des considérations et à des choses qui sont tout à fait étonnantes, mais retenez quand même que ce sont des choses très, parfois très contre-intuitives. Et comme le disait d'ailleurs un grand philosophe, James Baddeley, que, enfin, quand il parle de lui, il dit « Mon opinion est que l'univers est non seulement plus étrange que nous le supposons, mais plus étrange que nous pouvons le supposer. » Vous voyez ? C'est donc à partir de là que, effectivement, les grandes découvertes se sont faites. Alors, dernière petite chose pour résumer le paradoxe de l'infini, et puis pour pas trop mettre vos neurones à rude épreuve. Il y a une école de philosophie desquelles les deux grands représentants, c'était Parménide et Zénon d'Élée. Dans l'infini, on démontre que Achille ne rattrapera jamais une tortue qui est placée devant lui. Imaginez que Achille, il y a une tortue qui est à 10 mètres devant lui et que Achille va 10 fois plus vite que la tortue. Quand Achille a parcouru les 10 mètres, la tortue, elle a parcouru 1 mètre. Puis, quand Achille a parcouru 1 mètre, la tortue, elle a parcouru 1 centimètre. Puis quand il va parcourir 1 centimètre, elle va parcourir 1 millimètre. Puis 1 millimètre. Donc il ne la rattrapera jamais. On démontre que Achille ne rattrape jamais la tortue. Là, vous dites, mais c'est absurde, monsieur. Moi, je vous mets au défi que Achille ne rattrape pas la tortue. On le sait qu'il va rattraper la tortue. Mais démontrez-moi où est la faille dans mon raisonnement. Eh bien, on a mis plus de 2000 ans à trouver la faille, quand même. Parce que 1 plus 1,5 plus 1 quart plus 1 huitième nanana, égale 2. Donc l'infini donne un résultat fini. Et moi, j'en ai fini de vous embêter. Merci beaucoup.